سمع لي كين؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مبا. طيب أمس أخذنا لعلنا طيب وقلنا من أخوات إنا طيب ماذا تعمل لعلنا؟ لعلنا يعني شو بيزعلنا؟ ولعلنا معنا ماذا تعمل؟ سيا كيس كيل فيكم خو؟ إيران منصوب le après après le muntada d'ailleurs le khabal il khabal la'alla c'est dire il le rend t'as compris mais t'as pas su l'exprimer attends Mohamed la'alla il rend mansoub le muntada mansoub le khabal tu ترفع الاسم عن المنتدى و تنصب اقصد بارك الله فيكم المنتدى و ترفع الخبر نعم pour avec inna on appelle le ism ism inna et là la'alla ism la'alla hein on avait dit ça hier. طيب طيب انا بدي كوي également بارك الله فيكم est-ce que لعل تدخل على ضمير الضمائر ولا اسم ظاهر ايضا مثال على اسم ظاهر لعلي لا اسم ظاهر عليكم السلام ظاهر يعني لعل زي زيدا لعل زيدا مريض طيب احسنت وضمير يا محمد لعله مريض لعله مريض ما معنى لعل قلنا كيسا فيزير سو سو بو سينون اسبير طيب ان اكزامبل باغ اكزامبل لعلك بخير تري بيان ما شاء الله لعلك بخير احسن بارك الله فيك طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب عندك يا سامي بارك الله فيك أخذنا أمس قاعدة حول مئة وألف نبقين غاقل كي كونسيرن مدتن دي بورتال لا غاقل كي كونسيرن لا لا لا سان اي ميل كيس كنا دي avant avant de dire ça. C'est-à-dire la chose comptée sera, on a dit non. La chose comptée sera quoi? Mejrour. Voilà, mejrour. Et après, on a rajouté une chose. Mufrad. Qu'est-ce que ça veut dire, mufrad? Singulier. Mais faut madame? Parce qu'on avait vu quoi? Al-a'dad min thalatha ila ashr. Si le chiffre de 3 à 10 était masculin, la chose comptée sera féminin. Et si le chiffre de 3 à 10 était féminin, la chose comptée sera masculin. Alors que 100 000, on avait dit quoi, barakallahu fikoum, que la chose comptée, elle sera quoi? Singulier, majrour. Et peu importe de la chose comptée, ça peut être masculin ou féminin. Un exemple, Razi. Salam. Salam. Répète. Ouais, voilà. Par exemple, tu nous dis le verbe venir. Tu diras quoi? 100 hommes sont venus. Très bien, c'est bien. Diao, Dia Miato, Rajulin. Et Alf, on dira. Ouais, la même phrase, pour que ça soit. Tout le monde profite. Comment? Non, non, pour rester comme ça, il n'y a pas de mine là pour l'instant. Qu'est-ce que tu voulais dire? طيب ان شاء الله بغيت رستي سامبل سي tu peux dire ja al farajunin ahsan ansta salam salam 200 000 ou 200 à 1000 jusqu'à 1000 100 1000 طيب après il y a un dash spécialement sur les chiffres طيب طيب on avait vu quoi également comment on dit intelligent il y a dakiyun el jam si vous avez le pluriel dites-le. Taïb, comment on dit quelqu'un d'idiot, bête? Les frères, il faut apprendre. Il ne faut plus me dire Rabba ou Rana. Ou... Là, c'est vrai, les frères. Tu vois? Parce qu'après, il ne faut pas mettre la cause sur les livres. Voilà. Comme salam, ça, c'est très important. Voilà. Tu vois, si vous voulez parler l'arabe, les frères, il faut du vocabulaire. Je vais vous le répéter. Ça, c'est une nasiha que je vous donne. Demandez aux frères en Égypte. 50 mots par jour, ils devaient apprendre. Certains, ils apprenaient des textes. Il n'y a pas 50 mots, regardez, il y a peut-être une dizaine de mots. Tu avais 24 heures pour l'apprendre. Comment on dit ? Non. Caractère ? Non. Marié ? Moutazawijun. Non. Célibataire ? Azab. Azabun. Azabun. Taïb. Un juif ? Yahoud. Yahoudiyoun. Avec le pluriel, les frères. Yahoudiyoun. Taïb ? Yahoudi. Yahoud. Yahoudiyoun, Yahoud. Taïb, dictionnaire ? Mouajamoun. Ma'ajim. Naam. Page. Safhatoun. Safahat. Safahat. Taïb, manche. Koumoun, akmam. Naam, koumoun, akmam. Taïb. Comment on dit, c'est-à-dire un élève admis. Vas-y. Najihun, t'as dit, Tilmid, Najihun. Cher, quelque chose de cher. Quelque chose de cher. Rali. Naam. T'as dit, bismillah, on commence les frères. Dans cette année, c'est la deuxième leçon. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A voix haute les frères, pour tout le monde. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayfa haluka ya akhi? Man il akh? A voix haute les frères. من الولايات المتحددة أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي أنا مسرور بلقائك أنا زميلك اسمي بلال ابن بلال بلال بلال بلال بلال بلال نعم اسمي بلال ابن حامد أمين أمين الغيل أمين واشنطن أمين واشنطن أنت يا هاش يا هشام les mots qui sont pas compris tu vas l'aider maintenant comme ça après inshallah ça ira vite pour les traduire inshallah à la fin là au suivant لا أنا لست من واشنطن واشنطن إني من نيويورك نعم مسلم أبوك يا هاشم يا هشام أبو داود comme ça tout le monde profite بارك الله فيك très bien وأمك مسلمات مسلمات هي لا لي ليست مسلمات ألك ألك أبناء يا هاش يا هشام نعم لي ستة أبناء نعم أطلاب هم لا هم ليسوا بطلاب ألك Ah, c'est pas fini. Je crois qu'elle a pas fini. Il n'a pas d'arôme. Très bien, machallah. Bannatoun, regarde bien. Maman a bannatoun. Non, pas bannatoun. Banat. Non, il n'y a pas de chien. Bannat. Banat. Bintoun, banat. Taïb. Non. نعم لي خمس بنات نعم أمتزوجات هن لا لا هن لسنا بمتزوجات إنهن صغار بعضهن في المدرسة الابتدائية وبعضهن في المدرسة المتوسطة متوسطة ألقى إخوة لا ليس لي إخوة إن لي ثلاثة إخوات. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. أخوات. أخوات. أمسلمتهن. خلونج أن peu le mime. أمسلماتهن. نعم أمسلمات هن. نعم هن مسلمات والحمد لله. S'il y a un mot qui n'est pas compris, vous le dites avec la ligne, hein, comme ça tout le monde profite. C'est quoi Abdelkarim ? Ouais. Personne à la barre. Taïm. C'est Abnaoun ou Abnaou ? Abnaou. Non, voilà qui m'en fait. Suivant. Les mots pas compris. Traduction. C'est bon ? Putain, bismillah, on le danse directement là. C'est juste ça. Al-Mutahida. Al-Mutahida. Al-Wilaya. Al-Mutahida, ça veut dire les États-Unis. Al-Wilaya, c'est les États. Al-Mutahida, unis. Mashallah, barakallah. La troisième ligne en partant de la fin. Tu dis là, Laïsali Irkwatan ou Laïsali Irkwatan ? Répète s'il te plaît, Allah Iberkik. Laïsali Irkwatan ou Laïsali Irkwatan ? Trois lignes avant la fin. C'est dire Hicham ? Ouais. La Laïsali Irkwatan. Irkwatan ? Oui, non. Taïb. Taïb. Bismillah les frères. Le dars d'aujourd'hui, ça parle sur Leïsa. Vous voyez ? Leïsa, c'est au niveau du travail, barakallahu fikoum. C'est l'inverse de Inna. Qu'on a fait Inna mada, tansab al-ism, tarfa al-khabar. Taïb ? Ça aurait été mieux l'auteur du livre qui commence par Kana. Il y a nos Kana, il y a Asl Bab. On a Inna, Oum al-Bab. Après, on va voir comme La'alla. Après, il y aura Kana. Kana, Asbaha, Amsa, wa Leïsa. Mais là, le Mouallef, il a commencé par Laïsa. Taïb. Alors, Laïsa, c'est quoi au niveau du travail ? Minahet al-Amal, l'Aks, Inna. C'est l'inverse de quoi ? De Inna. Qui a compris ça déjà ? Hein ? Si on dit Zaydan, Maridun. Si je vous dis que Laïsa fait l'inverse de Inna, qu'est-ce qu'on dira si on met Laïsa ? Maridun, Ahsan. Vous avez compris ça ? Hada ma'na Laïsa. Minahet al-Amal, l'Aks. Inna Zaydan, Maridun. ليس ليس زيد مريضا مفهوم هذا ثم دا كومبري نيفو دو ترافاي هذا هو طيب اي لو تعريف يجيز هو يفيد النفي الخبر عن الاسم في وقت الحل كيسك سافي دير بارك الله فيكم سادير لو خبر il est quoi il est négatif jusqu'à quand jusqu'au moment où on parle quand je vous dis بارك الله فيكم ليس زيد مريضا معنى الى وقت الكلام في الحل زيد ليس بمريض مفهوم هذا. Vous avez tous compris ? Laïsa Zaydoun Maridan. Ma'ana il al-an Zayd Laïsa bi Marid. Il se peut qu'après il sera malade. Hada asl. C'est-à-dire la base de Laïsa. C'est-à-dire, il a waqt al-hal. C'est-à-dire quoi ? C'est qu'il n'est pas malade, il n'est pas debout. Laïsa Zaydoun qa'iman. Mais fum hada ? Alaykum salam wa rahmatullah. Laïsa, par exemple, tu dis Muhammad musliman ila akhir. Vous avez tous compris ça ? Alors Laïsa mada qulna, barakallahu fikoum. Tarfa al-ism wa tansab. الخبر مفهوم هذا وايضا بارك الله فيك on a dit quoi ça le khabar il est négatif jusqu'à quand tout le temps ou jusqu'au moment où on parle هذا معنى وقت الحل مفهوم هذا طيب نعم لا لا on dira اسم ليس et khabar ليس من ناحيه الاعراب طيب عليكم السلام si sont les affaires vous ne pas vous asseoir dessus. Sur l'islam bin Taymiyyah, il dit même la sajada, il faut demander l'autorisation. Les tapis de prière. Tu vois ? Allah ybarik fikoum. Tu vois ? Pourtant, c'est pour faire la prière. Mais il faut demander. Tu vois ? Barakallahu fikoum. Taïb. Alors, on a dit quoi ? Laïsa, qu'unna, huwa yufid nafi al-khabar an al-ism fi waqt al-hal. Quand tu dis Laïsa Muhammadun fahiman. Jusqu'à maintenant, il n'a pas compris. Laïsa Muhammadun. Comment ? Nafi, qu'unna. Allah ybarik fi al-khabar an al-ism. Fi waqt al-hal. Ana ana طيب ان شاء الله prenez cet exemple là laysa zaidun maridan qu'est-ce que ça veut dire ça c'est-à-dire que Zayd jusqu'à maintenant il est pas malade ça veut dire avant et jusqu'à maintenant Zayd n'est pas malade me font malade طيب également laysa ils disent quoi ils appellent ça un fi'l naqis qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire en français c'est un verbe défectueux il a besoin d'un ism et d'un khabar me font malade ça veut dire laysa tu peux pas lui donner que son ism je vais vous faire comprendre ça bismillah par exemple tu peux dire qama zaidun al jumla mufida ou laysat bi mufida qama zaidun mufida dakhala zaidun mais si je viens vers vous je vous dis laysa zaidun là vous avez compris c'est-à-dire laysa yahtaj ila ism wa khabar مفهوم؟ c'est pour ça qu'ils appellent ça fi'l naqis. معنى لا يكتفي بمرفوعه. Et bon, on va voir ça, inshallah, c'est-à-dire plus largement dans le livre numéro 3, bismillah. C'est-à-dire la différence dans des verbes. Il y a des verbes, il leur suffit juste un sujet. Et certains verbes, il faut un sujet et un COD. مفهوم؟ Et là, ce verbe-là, laysa, il lui faut un ism et un khabar. Tu ne peux pas parler que avec son ism. Laysa Zaydoun, laysa Muhammad, laysa Ar-Rajul. Là, yahtaj ila khabar hatta tatim al-fa'ida. Me faut malade, tout le monde a compris? Juste là, pour pas que je le dis, tu vois. T'as vu, Inch'Allah? Ma'ana naqis, ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un ism et d'un khabar. T'as vu? Il a besoin d'un khabar? Ah, d'accord. Laïssa, il a besoin d'un ism et d'un khabar. Ça veut dire que si tu mets pas de khabar, la phrase, elle n'est pas complète. En arabe, tu dis, il a besoin d'un khabar pour après? Après, il faut noter. Parce que si je répète sans arrêt, vous êtes tous. Ah, Idriss, Allah, il barik fik. Si on était 2-3, c'est un. Mais imaginez-vous s'il est 3. Naam. Taïb. Après, on a, il y a quelque chose d'important à savoir. Laïsa, c'est un verbe qui se conjugue comme madhi. Ça, c'est important. On va le voir. Par exemple, dahaba, tu diras dahaba, yadhabu, idhab. Yatasarraf fi jami' lazmina. Al-madhi, ou al-mudara, ou al-madha, ou al-amr. Amma laïsa, yatabar madha. Fi'al jamid. M'foum? Jamid, ma'na inerte. Hein, il se conjugue à quoi? Que mardi. Laïsa, il n'existe pas au mudara. Il n'existe pas à l'impératif qui est l'amr. Me foum hada? Que mardi. Et ça, c'est juste pour laïsa. Attention. Quand on fera kana, kana, il fait le même travail que laïsa. Mais kana, tu pourras dire kana, yakunu, kun. Allah subhanahu wa ta'ala, yakul kun, fayakun. Hada l'amr. Me foum? Ça, il ne faudra pas prendre cette règle-là pour tout. C'est juste pour laïsa. Il y a certains verbes comme laïsa, c'est quoi? Il est komadi. Amma kana, il fait le même travail que laïsa, mais quoi, il a les trois temps. On le verra plus tard. Tu peux dire kana zaidun maridan. Mais faut tu peux dire yakun. Ah, ou tu peux dire kun. Par exemple, je dis au frère kun qa'iman. Mais faut mada barakallahu fikum. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, il fait l'ism. Il fait l'ism. Il fait l'ism. Mais si tu enregistres, tu... Allah y طيب quelqu'un une question par rapport à ça là c'est bon non. Tout le monde a compris là تفضل فقط سنغرافي يسمى فعل ان فعل فعل comment tu as dit ناقص c'est bien que un temps ناقص là c'est autre chose là au فعل tu vas dire jamid inerte en français c'est le mot طيب on rajoute quoi également des choses très importantes par rapport à Laïsa vous allez voir par rapport à la leçon d'aujourd'hui Al-Mu'allif il a fait rentrer beaucoup Al-Harf Al-Jar pourquoi parce que Laïsa beaucoup il est utilisé avec quoi avec un Harf Al-Jar par exemple Hamidun Laïsa bi Marid Hamidun Laïsa par exemple Al-Ma'u Laïsa bi Baridin mais faut voilà qu'il y a l'asl si toi tu veux utiliser Laïsa c'est mieux de l'utiliser sans le Harf Al-Jar mais c'est pas faux de l'utiliser mais faut ليس زيد مريضا ليس زيد قائما mais dans l'exercice vous allez le voir il a beaucoup utilisé quoi le harf jar pourquoi parce que dans laysa on utilise beaucoup quoi le harf jar vous avez compris ça hamid laysa min al yaban hamid laysa bi marid mfoum et dans kana il est très très peu طيب pourquoi je vous ai... c'est pour ça que j'ai préféré vous donner dès le départ l'exemple de base ليس زيد مريضا pour que vous compreniez que c'est ça le travail qu'il a Parce qu'on a dit quoi, nous ? On a dit que Laïsa, Yerfa al-Ism, Yensab, Al-Khabar. On aurait commencé directement dans l'exercice, vous avez quoi ? Que du majrour. Et certains, ils ne comprennent pas encore, au niveau de l'Irab, que ça, tu vas dire, on verra que s'il y a du majrour, il est dans une place de Mansoub. Mais il est majrour. Taïb, Inch'Allah ? On va lire un petit peu là et après inchallah s'il y a quelque chose à rajouter on rajoute un bid. Taïb. Ta'amul Mayali, grand 3. Tout le monde y est ? Inch'Allah, tout le monde a compris. Hein, le travail de Laïsa, le sens qu'il a. Taïb. Également, on a dit que c'était un verbe et qu'il se conjuguait au mandé. Hein, celui qui se rappelle comment conjuguer dahaba, il l'utilise de la même chose. Dahabtu, on dira quoi ? Lestu. Dahabta, lesta. Dahabti, lesti. Dahabtum, lestum. Mufum, il a akhir. Vous avez compris ça ? Bismillah, chacun lit une ligne. Bismillah, wa wata. Hamidun, talibun. Hamidun laysa bi talibin. Mufhum? At-tullabu sigharun. At-tullabu laysu bi sigharin. Non. Ici, si vous me demandez, on a dit qu'il lui faut un ism et un khabar. Là, c'est pour ça que si quelqu'un il n'aurait pas fait attention là, là on va dire at-tullab mubtada. Taïb? Laysu huna ayn ism. Al-waw, al-jama'a. Mufhum? Wa bi sigharin, hafjar. On va dire quoi? Il est majrur, walakin fi mahal madha. Nasb, khabar, laïsa. C'est pour ça que ça, c'est délicat en tant que débutant. C'est pour ça que moi, j'ai préféré vous donner un exemple plus simple pour que vous compreniez le travail de base de laïsa. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Après, vous lisez de la, tout ce qui va arriver, c'est à peu près de la même, c'est de la même manière de laïsa bessarir. Au suivant. Aminatou. Aminatou. Aminatou, tabibatou. Aminatou, laïset, bitabibatou. Très bien, hein, on a dit laïsat. L'imada, il y a un homme mouannath. Taïb. Bismillah, les frères. Naam, al-fatayatu mutazawijatun. Al-fatayatu laïsat. Lesna. Lesna. Bi mutazawijatin. Au suivant. Anta kabirun. Lesta bikabirin. Non, mais là, comme tu fais le mukhat, je dis Anta lesta bikabir. Anta. Anta lesta bikabir. Très bien. Antum jududun. Lestum bijududin. Non, antum lestum bijududin. Bab. Anti faqiratun. Asti. Asti faqiratun. Faqiratun. Bi. Bi faqiratun. Non, il n'y a pas de mal également, tu aurais pu dire lesti. Faqiratan. Vous avez compris ça ? Al-Hafr Jar ici, on a dit quoi ? Il rentre pourquoi ? Parce que Laïsa, il est beaucoup, on l'utilise beaucoup quoi ? Son khabar avec un Hafr Jar. Mais il n'y a pas de mal de dire quoi ? Par exemple, Lesta Faqiran. Lesti Faqiratan. Mais faut-il m'aider ? Ha, Kana. Fadal, y'a. Il y a un frère qui m'a expliqué que ce Hafr Jar c'était pour un peu pour appuyer. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? C'est Zaïda, à la base. Tu vois ? Pour appuyer Allah Alam, tu vois. Moi je sais que c'est Zaïd. Après, pas avoir un sens de Tawkid. Il y a des hurf al-jar comme ça. Mais ma'ana Tawkid. Allah ybarik fik. Au suivant. Des kalim si tu peux avoir autre. Non. Antunna lestunna bi mujtahidatin. Au suivant. Ana mudarrisun. Ana lestu bi mudarrisin. Taïm. Très bien. Tout le monde a compris, Inch'Allah. Et celui qui va appliquer la règle de base directement, il enlève le hafzar. Atril, laïsa, ala al-jumal al-atiya. Même un atril. Faire entrer na'am. C'est-à-dire, moi je lis, tu fais entrer laïsa. Al-babu mughlaqun, tu diras. Là, tu fais laïsa dès le départ. Comme ça, ça t'aide. Laïsa, mughlaqun. Là, Allah ybarik fi. Tu mets laïsa dès le départ. Et après, tu fais les changements. Al-babu mughlaqun. Al-babu mubtada mughlaqun khabar. Tu mets Laïsa au départ et ça lui donne un ism et un khabar. Laïsa, Laïsa, El-Baban, Mughlaqun. Là, Abdelmajid. On a dit quoi? Que laïsa fait l'inverse de inna. Ça veut dire quoi ça? Yansab al-khabar. Laïsa al-babu mourlaqan. Tareb, inshallah. Vas-y, fais le deuxième. Laïsa al-ma'u baridan. Baridan. Non. Au suivant. Hishamu maridan. Laïsa hishamu maridan. Non, laïsa hishamu maridan. Au suivant. Abi na'imun. Non. Laïsa abi na'imun. Très bien. Darsu sa'bun. Laïsa darsu sa'ban. Très bien. Al-masjidu qaribun. ليس المسجد قريبا نعم ليس الطفل جوعان جوعان جوعان طيب ان شاء الله ما معنى ليس qu'est-ce que ça veut dire ليس on l'a pas traduit ce n'est pas نعم n'est pas si on dit par exemple ليس زيد قائما ça veut dire quoi زيد n'est pas debout vous comprenez la négation طيب est-ce que ليس il a toujours le sens de négation au passé طيب il peut s'avérer que ça peut être demain par exemple tu peux dire quoi Laïsa Zaidoun, par exemple quoi, Qaïman Radan. Ça veut dire quoi, Barakallahu Fikoum? Si tu lui ramènes un indice, il n'y a pas de mal que la négation sera demain. À la base, Laïsa Zaidoun Qaïman. Il a wart al-hal. Mais tu peux rajouter ça. Laïsa Zaidoun Qaïman Ams. Ou Laïsa Zaidoun Qaïman Radan. Si tu ramènes ces deux Qaraïn, c'est-à-dire ces deux indices-là, ça te permet de dire quoi? Que même demain, il ne sera pas debout, Bihnillah. Mufumhada? طيب اقرأ المثالين ثم أدخل ليس على الجمل الآتية هو تاجر هو ليس بتاجر هو من اليابان هو ليس من اليابان طيب السيارة جميلة ساكيد ليها السيارة ليست بجميلة très bien طيب c'est-à-dire là بارك الله فيك comme on a dit le verbe C'est-à-dire, là, ça se conjugue. Le fait que le ism, il est quoi? Mouannath, on doit faire entrer le ta, ta'anith. Ahsant. As-siyaratu laysat bijami latin. Au suivant. Ana raniyun. Ana lestu biraniyin. Anta faqirun. Anta lest. C'est bien. Anta lesta. Lesta bi faqirin. Très bien, mashallah. Hiya min al-Iraq. Hiya min al-Iraq. هي ليست من العراق. très bien. نحن أذكياء. ليس. نحن. نحن ليس أذكياء. لسنا. لسنا. c'est le jama. parce que si je dis لسنا, c'est la, les femmes. لسنا. الله يبارك فيك. هو عزب. هو ليس عزب. هو ليس. لا عزبا أو بعزبين. ouais. pourquoi? Il est où le khabar alors de Laïsa? Si on dit Houa Laïsa Azaboun, il est où son khabar? Qu'est-ce qui fait qu'on travaille Laïsa Ya Daoud? Taïb, barakallahu fik. Taïb, Houa Laïsa bi Azabin ou Azaban. Al Mudarrisuna fil Fusul. Al Mudarrisuna Laïsa fil Fa. Al Mudarrisuna Laïsa. Non, regarde bien. Regarde bien, moi je te laisse, je voulais que tu répètes. Hein. On a vu cette règle-là dans le 1. Al-Mudarrisuna. C'est quoi Al-Mudarrisuna? C'est le professeur. Professeur ou les professeurs? Les professeurs. Les professeurs. Taïb, c'est un pluriel. Taïb, est-ce que ça te dit par exemple les professeurs et les partis? Ça se dit ça en français? Al-Mudarrisuna. Tu peux trouver. S'ils étaient partis, t'aurais dit quoi? Al-Mudarrisuna, t'aurais dit comment partir? Tahabu. Et tu dis quoi? Laysu. Voilà, il n'y a pas de détail, Inch'Allah. Alors on dit quoi? Al-Mudarrisuna. Laysu. Laysu, fil fusul. Ma ma'ana fusul? Je sais pas. Ma ma'ana fusul? Les classes. Non. La classe, al-fasl. Hein? Taïb. Et si on aurait mis Laysa dès le départ, il y a Sami, comment on aurait dit? Ouais, dès le début. Dès le départ, le verbe. Dès le départ. Ouais. Il y a une règle en arabe. Andeka Razi. Là, le verbe dès le départ. Laïsa. Hein, on a dit quoi? Barakallahu alaykoum, souvenez-vous dans le 1. Quand on a dit qu'il y a un verbe dans le الفاعل قد يكون مفرد مثنى أو جمع. ذهب زيد، ذهب زيداني، ذهب المسلمون أو زيدون. مفهوم هذا؟ On a dit que si c'était le is qui précédait le verbe, on disait quoi? Il fallait que le verbe il prenne compte de quoi? Du mot qui le précédait. Zaydoun dahaba. Zaydani dahaba. Me foum? Zaydouna dahabu. Me foum? Tu peux pas dire Zaydoun dahabu. Là. T'as compris ça? T'as pas compris? Tu l'as pas fait ça dans la. C'est-à-dire, si tu mets le verbe dès le départ, le sujet peut être pluriel, singulier ou duel. Je répète. On a le verbe dahaba. Tu me suis? Tu dis Dahaba Zaydoun. Combien sont partis là? Ouais. Un. Zayd c'est un prénom. Taïb. Il y en a deux maintenant. Dahaba al-Waladani. Taïb. Le verbe il n'a pas bougé encore. Dahaba al-Awladu. Combien sont partis? Un groupe. Minimum trois. Mais faut maintenant. Mais si tu fais passer ça devant le verbe, qu'est-ce que tu fais? Le verbe il est obligé de prendre compte de ce qui le précède. Tu diras quoi? Al-Waladu Dahaba. Hada ma fi ishkal. Al-waladani dhahaba. Tu peux pas dire al-waladani dhahaba hakada. Mefhoum? Dhahaba, tu prononces. Al-awladu, tu diras quoi? Dhahabu. T'as compris? Tu diras pas al-awladu dhahaba. Et laïsa, c'est la même chose. C'est-à-dire, si tu mets al-mudarris avant laïsa, laïsu. Si tu mets laïsa au départ, il n'y a pas de mal. Taïb, inshallah. T'as compris ça, Sami? Taïb, inshallah. Taïb. Anti dakiyatun. C'est à toi. Anti. La, anti, c'est qui Anti? Elle est là, la sœur ou? Elle, ouais. Anti, Lesti. Ah, Anti, Lesti. Bi, Dakiyatin. Ou Dakiyatan. C'est-à-dire, si tu mets Hafjar, tu dis Bi, Dakiyatin. S'il n'y a pas le Hafjar, Dakiyatan. Au suivant. Bi. Kibarin. Taïb. Et s'il n'y avait pas le bi, antum lestum, kibarin. Taïb. At-talibatu fil maktabati. Là, elles ne sont pas là. Tu nous parles d'elles. Lesna. في مكتبتي نعم انتن طالبات جدد انتن لستن طالبات جدد نعم très bien بارك الله فيك طيب انتن لستن طالبات جدد نعم parce qu'ici il est mansoub طيب ان شاء الله très bien attrapé الله يبارك فيك ça comme on l'a pas fait certains frères vont pas comprendre طيب طالبات جدد طيب أجيب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا ليس. طيب. Moi je pose une question et tu réponds. Hein? Ah oui. أمدرس أمهندس أبوك؟ مهندس. C'est مدرس que tu as. طيب très bien. أمهندس أبوك؟ لا أبي ليس بمهندس. أو tu pouvais dire quoi؟ أو ليس أبي مهندس. طيب امد طيب امد امدرسة امك لا هي ليست بمدرسة بمدرسة او ليست مدرسة طيب ان شاء الله طيب الطلاب اخوتك لا ليس لا ليس اخوتي بطلابي نعم أممرضات أخواتك؟ لا لسنا لسنا؟ وي سي بيان لا لسنا ممرضات بممرضات طيب لسنا بممرضات طيب أمدرس أنت؟ لا لست مدرسا تري بيان لا لست مدرسا أو بمدرس أجدد أنتم؟ لا نحن لا لا لسنا بجددين بجددين بجددين عفوا ici c'était sans le hafjar bi tu dirais quoi لسنا بجددين جددين très bien أجدد سيارتك سيارتي ليست جديدة. لا سيارة سي فيمينان أو سي ماسكولان؟ سي ماسكولان. Regarde. سيارتي. سي كوا سين دو ماسكولان؟ دار مربوطة. دار مربوطة. Ah non, c'est vrai, en tout cas. Laïssa, ouais. Laïssa. Non, c'est, on reste avec Ciara. Ouais. C'est féminin ou c'est masculin? Ciara, c'est masculin. Tu dis Ciara Toun, là? Ah, Ciara Toun, ouais, c'est féminin. Allah, il va avec lui. T'as une requise. T'as tu diras quoi? Laïssa Ciara Ti, bi Jadidati. Ah ou Jadidata. T'as une barakallahu fik. Tout le monde a compris, Inch'Allah. Grand-sœur, tu vois, j'ai vu le mudarris. Il a coulé minat tullab as'ila. يكون جوابها بالنفي ويرد عليها الطالب مستعملا لست يوجه c'est-à-dire quoi diriger c'est-à-dire le professeur dirige quoi il a coulé minat tullab c'est-à-dire à tous les élèves des questions يكون جوابها بالنفي et la réponse sera quoi négatif en utilisant quoi لست طيب امين امريكا انت لا انا لست من امريكا نعم انا لست من امريكا امريض انت نعم أنا لست مريضا أو بمريض أم متزوج أنت لا لست متزوجا خبيا أو بمتزوجين أم مهندس أنت لا لست مدرسا مهندس أنا وسي مدرسا طيب بارك الله فيك اقرأ المثال ثم أدخل إن على الجمل الآتية طيب لي ثلاث أخوات أصله ثلاث أخوات لي إن لي ثلاثة أخوات أصله إن ثلاثة أخوات لي إن شاء الله c'est درس on le verra vraiment bien dans le 3 طيب mais on va en parler comme ça brièvement ici c'est quoi ça concerne المبتدا إذا كان نكرة طيب souvenez-vous on avait dit quoi الأصل المبتدا أن يكون ماذا كمال à la base le مبتدا il est quoi معرفة ou نكرة معرفة طيب il va s'avérer qu'on verra que le مبتدا il est نكرة et à partir de là si le مبتدا il est نكرة et que son khabar, c'est un hafjar ou un dharf, il a le droit de le précéder. Vous avez compris ça? À la base, tu dis quoi? Zaydoun fil bayti. Tout le monde a compris? Zaydoun fil bayti. Zayd ma'rifa. Il n'y a pas de problème pour tout le monde. Hein? Zayd, c'est connu, c'est un prénom. Zaydoun fil bayt. Mohamed, tahta shajra. Maintenant, si le mubtada, il est nakira, il peut être précédé par quoi? Un hafjar. C'est-à-dire son khabar. Tu peux dire quoi? Fil bayti, rajulun. Vous suivez ça? Mohamed, t'as compris? Taïm, Allah. Fil beiti rajulun. Ou tahta shajra rajulun. Pourquoi là on a reculé le mubtada? Parce que le khabar, ici c'est quoi? C'est un hafjar. Vous avez compris? Ou un dharf? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Qui a pas compris? Othman? Bien? Et toi, Idriss? Tout le monde a compris, Inch'Allah? Abdelmajid. Celui qui a pas compris, faut pas avoir honte. Hein, on est entre frères ici. Y a pas de... Faut pas avoir honte, alhamdulillah. Barakallahu fikoum. Wahbi. Bien compris? Parce que le khabar c'est un hafjar. Voilà. À la base, le mubtada, c'était quoi sa place c'est dans le 1 premier. En premier. Et le khabar il suit. Vous vous souvenez de ça Hada wal as. Moi, je vous ai jamais dit que le mubtada sera toujours ma'rifa. Vous vous souvenez de ça Je vous ai jamais dit ça. Je vous ai dit al as, le mubtada, n'yakoun ma'rifa. Wal khabar nakira. Mais faut m'aider. Ici, l'exercice c'est quoi du moins l'œuf C'est que le fait que le mubtada il est nakira, il l'a reculé. Et pourquoi il l'a reculé Parce que son khabar, c'est quoi C'est un hafjar. Vous avez compris ça Vous avez compris Taïb, Inch'Allah. Regardez bien maintenant, on va lire. Il nous a dit quoi Li thalathu akhawatin. Taïb, li, c'est quoi Le hafjar, li. Hein en parlant du alial mutakallim. Taïb, il te dit asluhu. Asluhu, c'est-à-dire quoi À la base, c'était quoi Thalathu akhawatin li. Mais foum hada C'est comme si tu aurais dit quoi Je vous donne un exemple plus simple. Tu dis fil beiti rajulun. Taïb, celui qui veut écrire ça, ça va l'aider. Parce que ça, c'est un exemple plus facile. Parce que là, devant vous, vous avez du modaf, modafilé. Hein, peut-être que ce n'est pas évident pour certains. Mais si tu mets par exemple fil beiti rajulun, vous avez compris Rajulun, il est où C'est mubtada. Limada ukhira liyanu nakira. Vous avez bien compris ça C'est ça l'exercice. C'est que le fait que le mubtada était indéfini, on l'a reculé. Mais il reste une deuxième chose, c'est quoi C'est si son khabar c'est un hafjar ou un jar ou un majrour. Sami, mais faut maintenant Bien ou Là, ça c'est autre chose. Ça c'est. Ça on verra dans le 3. c'est pas wajib. Certains ils disent oui, mais après ça vous verrez dans l'alfiya tout ça. Certains disent à partir du moment où il y a une faïda, le mubtada peut être nakira. Moi si je te dis rajulun fi al-bayt. Al-jumla mufida ou la? Naam. Après ça c'est des khilafs de grammairiens. Inch'Allah, ça s'arrête plus. Hein. Nous on explique ce qu'il y a là, mais sinon Allah. Si le khabar il est nakira, le mubtada il est devant. Nous on explique par rapport à ça, sinon le mubtada à la base il est ma'rifa et le khabar il est nakira. Mais là pourquoi il l'a reculé? Barakallahu fikoum, c'est quoi? C'est qu'il est nakira et son khabar c'est un jar ou majrour. Inch'Allah, je pense que tout le monde a compris. Hein, Inch'Allah? Taïb. C'est compris là, Sami? Razi? Tout le monde a bien compris, Inch'Allah? Hein? Pourquoi ça va? Non. Ça fait 8 fois là. Le frère, s'il écoute la cassette là, il va. Le reculer. Ouais. Je répète une dernière fois pour Mahdi, Inch'Allah. On a dit le Mubtada, il est Ma'rifa. Taïb. Et le Khabar, il est Nakira. Tu te souviens de ça? Taïb. Maintenant, on a dit si le Mubtada, il est Nakira, ça veut dire quoi Nakira? Indéfini. Et son Khabar, c'est un jar, majrour ou un darf. Dans ce cas-là, tu recules le Mubtada et tu fais avancer le Khabar. Et puis tout à l'heure, je lui dis quoi? Par exemple, tu dis Fil Beiti Rajulun. Ou Tahta Shajra Rajulun. Il est où le Mubtada ici? Tu l'as mis au fond. Voilà, on l'a reculé. Pourquoi? Parce qu'il est. Il est Nakira déjà. Et son Khabar, c'est quoi? Un Jaru Mujaru ou un Bar? Hada wa faqat. C'est compris là? Non. Taïb. Bismillah, naqra al-an. Fil Fasli, Khamsatu Tullabin Jududin. Taïb. Qui veut faire un tour dans la. Inna fil fasli, khamsatu tullabin. La, inna. Inna. Ça veut dire, fil fasli, il fera pas effet. C'est khamsata tullabin. T'as compris? Ça veut dire, inna, ism inna, ainhua, khamsa. Mais faut madame les frères, concentrez-vous, hein. Refait, ya iman, Allah y barik fik. Inna fil fasli, khamsata tullabin. Mais faut madame, inshallah? Voilà. لنا مدرسون جيدون تفضل محمد إن لنا مدرسا جيدون جيدا parce qu'il est sifa hein les frères inshallah c'est vrai que il a commencé directement avec le 2 avec ça alors que ça devait venir dans le 3 inshallah hein, le frère il a bien répondu là إن لنا أين اسم إن هنا c'est à dire ici le مبتدا c'est quoi ici مدرس et le مدرس ici il est quoi il est نكرة. Tu comprends ces termes-là, Sami, Nakira, Ma'arifa? Voilà, Nakira, ça veut dire indéfini. Le fait que Mudaris, il est Nakira, et il regarde son, c'est quoi son khabar? Jar ou Majrour? On l'a reculé. Mais faut? On n'a pas dit Mudarisun Jaydun Lana. À la base, c'est ça. Al-Mudarisu Al-Jayd Lana. Mais le fait qu'il est Nakira, on a dit quoi? Lana Mudarisun Jaydun. Alors on fait rentrer Inna, on dira quoi? Inna Lana Mudarisan Jaydan. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Fi jaybi mi'atu riyal. Daoud, à voix haute, hein? Riyalin. Voilà, c'est-à-dire, ism inna mi'ata. Fil hindi anharun kathiratun. Inna fil hindi anharan kathiratun. Kathiratun, sifa. Après, le sifa, il suit, hein? On a dit quoi? L'adjectif, il suit le nom. Taïb? لك برقية في مكتب البريد. سامية. إن لك. Très bien. برقية. Voilà. Après tu lis. Voilà. في مكتب البريد. Ça veut dire la poste. Hein. Hein, regardez les frères, je vais vous donner quelque chose qui va vous aider. On avait dit quoi également? Que tout Mubtada, il fallait quoi? Un khabar. Ben Inna, c'est la même chose. Inna, il lui faut quoi? Son ism et son khabar. Pourquoi? Qui peut répondre? C'est pas difficile. Pourquoi ism également, il faut un ism et un khabar? Hein? Non, bien sûr, mais également pourquoi? Parce qu'à la base, elle rentre dans quoi, Inna? Dans le Mubtada et dans le khabar. C'est-à-dire, il faut qu'il retrouve quoi? Son Mubtada et son khabar. Qui deviendront quoi? Son ism et son khabar. Vous vous souvenez de ça ou non? Hein? On avait dit que tout Mubtada, il fallait un khabar. Et le fait que Inna il rentre dans le Mubtada al-Khabar, il faut quoi? Il faut lui redonner son ism et son khabar. Tu ne peux pas dire Inna Zaydan. Là, redonne-lui son ism et son khabar. مفهوم هذا إن شاء الله؟ طيب تفضل. معناها برقية سيت تيليغرام. نعم الجامعة برقيات سي بوسيبل جو با برقيات. نعم Vous savez que j'aime à moi le salim après. Ah oui, d'accord. Ouais. Après, j'aime vous demander après ça. On l'a joué ici. Taïb. Taïb, laka, inna laka barqiyatan fi maktabi al-barid. C'est pour ça, apprenez bien le mot barid et barid. Rentre pas chez Dokan, tu dis atteigné barid. Il faut maintenant barid. Barid, c'est quoi? Il va comprendre la boisson fraîche. Amma maktab al-barid, c'est quoi? La poste. Il faut maintenant. بارك الله فيكم لي ألف دولارين في المصرف سوفان avec إنا دولارين في المصرف نعم إنا لي ألف دولارين في المصرف سيدي قول ما cette phrase يا غازي لا بانك très bien طيب الكلمات الجديدة لقاء سيدي rencontre pas le verbe rencontrer attention hein Rencontre. Naharun Jam Anhar ou fleuve Maktab al-Barid la poste. Jaydun, bon, excellent. Barqiyatun Jam Barqiyat, télégramme. Jaybun Jam Juyub, la poche. Masrifun Masarif, banque. Taïb, quelqu'un a une question par rapport à ce dars? Le mot? Lequel? C'est les sources ou fleuves. Ah, il y a 200. Non, c'est pas ça. C'est qu'il peut avoir plusieurs traductions. Comment tu l'utilises? Bah, bien. Tout le monde a compris. Pareil, Fadal. C'est pareil. Comment? C'est pas maintenant 1900. Comment? Dollar, c'est pas maintenant 1900. Là. Tu vois. Parce que pourquoi il serait maintenant 1900 là? Ah, mais d'origine étrangère, il faut apprendre à Illa. C'est pas tout ce qui est étranger et maintenant 1900. Non, voilà, non, mais tu peux répondre, mashallah. Si tu as bien eu le dars dans ta tête. T'as compris ce que je veux dire? Al-Ujma, il faut que ça soit un prénom. Est-ce que c'est un prénom dollar? Maintenant, on aurait appelé un frère dollar, ouais. C'est étranger et en même temps, c'est un prénom. Mais faut mahada? C'est-à-dire, c'est pas par exemple également tout prénom qui est même un menosarf. C'est prénom plus une des six choses qu'on avait vues. Faut mahada? بارك الله فيكما إلى هنا